Voici les 10 premières secondes d'information top. Ah non. Ça, non. C'est un faux départ. Ça, je n'en veux pas. C'est un faux départ, Philippe. Les 5 secondes de blanc. Soyons fair play, c'est un faux départ. D'accord. Allez. Bon, alors, je propose que tu dises toi-même top chrono. Allez, on y va en régie. Non, envoyez. Top chrono, on a dit. Top chrono. Ah bah. Parle, idiote. Allez. Alors, ça a une couleur verte. Ça peut être un légume. Alors, ça a une couleur verte et ça peut être un légume. Démerdez-vous avec ça. Alors, ça Bob et Gégé, une réponse. C'est quoi, on n'a pas un indice. Un poireau. Ah ben non, ça peut être un légume, donc c'est pas un légume. Non. Ça peut. Il a dit ça peut être. Bah, juste, c'est pas forcément un légume. Non. Eh oui. C'est pas forcément. Sinon, il aurait dit. Alors, c'est un légume. Dans sa bouche, sûr. Ça peut être de la vache. Pas sûr, Bob. Pas sûr. Alors, vous nous proposez. Merci, chérie. Je sais pas, de la vase de non, la non, de non, Maurice non. Non, c'est pas ça. Et alors pas alors qu'est-ce qu'on, dit de la vase, vous avez dit? Oui. La vase, oui. Hein, c'est pas sûr. Un haricot. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Ah, alors pour 10 secondes de nouvelles informations, toujours pour la même photo, Maurice, tu dis top chrono pourquoi? Alors top chrono. Allez, c'est de la famille des cornichons. Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle? Vous sentez... Est-ce que vous sentez notre désarroi? Vous sentez quand même que là, on est pris au piège. C'est comment ça s'appelle? C'est la réponse. C'est trop con pour la famille des cornichons. Non, mais non, c'est pas ça. Il y a la suite. Il y a le truc, tu sais, qui pousse dans la mer, là, près des rochers. Maurice, on n'a pas le droit de souper. Il y a un nom. Oui. Ah, mais Bob, réfléchis comme il faut. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit, mais Bob, réfléchis, voyons. Merci, Maurice. Merci, Maurice. Alors, Bob, tu le roi de la vie. Je trouve pas le mot, ça. Je trouve pas le mot. Mais si, tu as trouvé le mot. Allez, Bob, tu l'as dit. Dis-le, Bob. Allez, dis-le. Hein? Le mouton présalé. Oh. Mais non, c'est pas un légume. Ah bah puis c'est non, pas vert. Hein. Ça pourrait être un légume. Ah oui. Non, mais un mouton, ah oui. C'est pas. Lui, c'est un légume. Oui, ça peut être Maurice. Alors... Non, mais je sais de quoi il. Mais je trouve pas le nom. C'est moi un vert qui peut être un légume. J'aurais dit Antoine Vechter. Oui. Ouais. Moi, j'aurais dit une mycose. Oui. Alors, pour 10 secondes supplémentaires, Maurice. Donc, c'est pas un mouton et c'est pas une mycose. Hein. Non. Attention, là, donne Non, mais donne un truc très précis. Oui, non, mais je sais pas comment ça. Si, comment on le mange. Ah oui. Ah, ça se mange. Alors, oui. T'aurais pu commencer par ça déjà. Non, alors, oui. Alors. C'est plus drôle quand même. Alors, est-ce que tu as. Est-ce que... Allez, top, on y va. Alors. Alors, ça se mange en entrée, par la bouche, bien sûr. Non, mais. Là, il a rien dit, là. Je voudrais dire. Vous avez remarqué ? Je voudrais dire. Là, il a rien dit, là. Il a rien dit. Ça se mange. Par la bouche. Je voudrais dire aux auditeurs qu'en réalité. Des fois, il y a des cons qui mettraient ça, là. Attends. Donc, Bob, c'est pas un concombre. Non. C'est pas un concombre. Et ça peut pas être une bite. Parce que le concombre, il se mange, mais pas par la bouche. Et ça peut. Enfin, chez Maurice. Et ça peut pas être une bite de martien non plus. Hé, hey, Maurice, on ne triche pas. Maurice, on ne triche pas. Faudrait que tu ne. Une asperge. Maurice, est-ce que c'est une asperge? Non, c'est pas une asperge. Faudrait que. Ah. Mais une asperge n'est pas verte, elle est blanche. Un genou. Il y a les asperges vertes, idiote. Avec le nom. Alors, le nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais voilà, alors, mais le nom, je connais pas le nom. Fais un jeu de mots. Je connais pas. Alors, 10 secondes, top. Mais non, je peux pas faire le jeu de mots. Pourquoi? Parce que sinon, je vais tout dire. Non, mais tu fais un jeu de mots sans tout dire. Regarde l'autre, il est en train de regarder ton livre. Tu montes ton jeu, Maurice. Alors, un jeu de mots. Je connais pas le jeu de mots, hein, moi. Oui, ça. Mais Bob l'a dit plusieurs fois. Non, plus. Tu donnes le pays où on en mange beaucoup. Top. Je sais même pas le pays où on en mange beaucoup. On en mange dans le midi, on en mange partout. On en mange dans le sud, dans le midi, nord. Dans le sud. Dire Jean-Pierre Coff. Bah oui, comment ça s'appelle? En Grèce. Oui. Ça. Ah oui. Bah oui. En Grèce, on en mange. Mais oui. Moi, j'ai jamais été en Grèce. Hein. Alors, Bob. Mais si. Ben, c'est, bon, c'est je ce crois qu'on, c'est a, qu'on appelle ça les haricots de mer. Mais c'est pas le terme. Mais non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas le terme. Terme. Non, c'est pas le terme. On a le droit de poser une question pour avoir confirmation. Est-ce que ça peut être noir? Ah non. oui, ça peut. Bon, c'est ah, des olives. C'est ça. Une olive. Non, non. Ça peut être, oh là là, ça peut être rouge. Là là. Non. Alors 10 secondes. Ça peut être rouge aussi, oui. 10 secondes. Rouge. Ça ah, peut. Alors non, c'est pas du tout ce que je pense. Non. Mais non. Mais ça peut être salé. Faut... Je peux dire vinaigrette. Bon, alors là on sait que maintenant ça peut être salé. Ah, non. C'est un aliment. Oui. Oui, oui, c'est un aliment. C'est pas un piment. Comment ça s'appelle non, les gros non. machins, c'est gros comme ça. Il y en a des rouges, des bleus. Oh, les poivrons. Mais non, c'est pas les poivrons. C'est pas les poivrons. Mais non. Alors attention, les beaux, je le pif. Alors je dirais une aubergine. Mais non, c'est pas ça. Non. Un piment. Alors donne. Mais ça se mange. Non, alors. Oui, ça se mange. Alors 10 secondes. On est obligé. Non, je vais te dire. Donc c'est un légume. Un indice. Non, c'est un légume. Un indice précis. Oui, c'est un légume, oui. C'est des tomates. Alors, ça peut être. Alors. Alors attends. Fourché. 10 secondes, Maurice, et là donne un indice précis. Le poivron n'est pas un légume, hein, entre parenthèses. C'est quoi? Non, c'est de la viande. Allez. Allez. C'est quoi un poivron? Bref. Un alcoolique? Non, mais. Un alcoolique. Mais quand je pense que toutes les semaines c'est la même chose. Non, Maurice, là tu peux dire comment ça se présente. Ah oui oui. Top. Alors top, ça se présente en rondelles, on le laisse. Oui, c'est vrai. Dépêche-toi. Non, on peut le. Oh merde, j'ai le mot sur le bout de la langue. C'est pas possible. On peut le dessaler. Ah voilà. Je crois que je vais démissionner. Non, et t'as dit que non, on peut le dessaler. Moi, je crois que je vais vomir. En rondelles et on peut le dessaler. C'est le radis. Alors, Gérard. Parce que c'est salé. Oui. C'est gorgé. Oui, dégorgé, salé et tout. Bah, c'est le concombre. Ah bah oui. Alors, votre réponse. Bah, on l'a dit, le concombre. Ah, eh oui. Ça fait 15 fois que tu le dis, idiot. Donc, c'est la bonne réponse. Le concombre. Ah. Tout ça pour ça.